Chapitre 31. Le lendemain, comme Rose achevait sa toilette, Florence entra discrètement. Depuis leur entrevue à l'hôtel du Louvre, elle ne s'était pas revue. Froissée de ce qu'elle considérait comme un abandon systématique, sorte de vengeance exercée par la vieille servante pour la punir de lui avoir laissé croire à sa mort, la jeune femme n'avait rien fait pour retrouver sa vieille amie. En l'apercevant, Madame André ne put réprimer un vif mouvement de surprise et aussi de compassion, car Florence n'était plus qu'une sorte de fantôme. « Ma bonne chérie, » s'écria Rose en se levant pour courir à elle, « que t'est-il arrivé? Tu as été malade ?»« J'ai failli mourir, » dit la fidèle servante d'une voix aussi éteinte que l'étaient ses yeux. « Je ne vivrai pas longtemps, mais je voulais te voir. »« Malade, Florence, malade pendant 6 semaines, et tu ne m'as pas envoyé chercher ?» Tu n'as pas pensé à moi une seule fois ? Je n'ai pensé qu'à toi, répondit la vieille femme en s'asseyant sur la chaise que Rose lui présentait. Si j'avais été pour mourir, je t'aurais fait chercher, mais il me semblait que mon temps n'était pas encore venu. Elle se tut. Rose s'était assise auprès d'elle et caressait dans les siennes ses vieilles mains froides et ridées. Florence l'observa en silence pendant quelques instants. Ton cœur est changé, dit-elle doucement. Rose regarda sa vieille amie, puis laissa retomber sa tête sur sa poitrine avec un soupir. « Ton cœur est changé, » répéta Florence. « Je le vois bien. »« Quel malheur qu'il n'ait pas changé plus tôt. »« Ce qui est fait, » repartit Rose avec un brusque mouvement d'impatience. « Ne parlons pas du passé. Tu vas venir demeurer ici. »« Ton mari ne voudra pas, » dit la vieille femme d'un air de doute. « Lui ? Je suis sûr au contraire qu'il en sera très content. » « Alors ce sera comme vous voudrez, toi et lui, » soupira Florence d'un air résigné. « C'est triste de vivre seul. Je ne te gênerai pas longtemps. » Un silence suivit, puis elle continua. « Je suis bien aise de te savoir avec ton mari. Sans cela, je ne serais pas venue ici. Comment êtes-vous ensemble ?»« Aussi peu que possible, » répondit Rose en haussant les épaules avec un retour de ses anciennes manières. « Nous nous voyons au repas. Hier, il n'a pas dîné à la maison. C'est la première fois. » « Je suppose que ce n'est pas la dernière. » Elle sonna. La bonne entra. « Monsieur est sorti ?»« Oui, madame. » « Monsieur a fait prévenir madame qu'il ne rentrerait pas pour déjeuner. » La bonne se retira. « Très bien, » dit Rose d'un air tranquille et railleur. « Monsieur se dérange ?» continua la jeune femme du même ton. « Ce n'est pas cela qui m'étonne. Je suis même surprise qu'il ait attendu si longtemps. » « Rose ?» dit Florence avec douceur. « Je croyais ton cœur changé. »« Il l'est, » répondit la comédienne avec véhémence. « Il l'est, car je souffre. » »« Ne parlons pas de cela. Peux-tu m'apprendre quelque chose sur cette Marguerite que mon mari voulait épouser du temps que j'étais morte ?»« Tu la connais, » dit évasivement la vieille femme. « Je la connais. Bien entendu, je ne te demande pas de quelle couleur sont ses cheveux. Je te demande si tu sais comment elle a pris mon retour, par exemple. » C'est cela qui aura dérangé ses projets. Elle doit être très malheureuse, répondit sévèrement Florence, et comme elle ne l'a pas mérité, elle est à plaindre. Rose réprima un mouvement d'humeur. Pour lui faire plaisir, j'aurais dû mourir pour tout de bon, peut-être. Mais alors, on aurait peut-être coupé le cou à mon mari, ce qui n'aurait pas beaucoup avancé les choses. Elle est malheureuse, dis-tu, tant pis pour elle. Florence se leva. Rose, dit-elle effrayée. « Tu es jalouse de cette pauvre fille ?» La comédienne tourna vers elle son visage soudainement enfiévré. « Jalouse de cette petite fille ? Et de quel droit, ma bonne Florence ? À quel titre ? Est-ce que je puis être jalouse de Monsieur André, mon mari ? Qui n'est pas mon mari et qui me considère comme un meuble incommode, dont il espère bien se débarrasser un jour ou l'autre ? Et vraiment, je me demande pourquoi il me garde quand je lui ai proposé si charitablement hier au soir de m'en aller. » « Il te garde, » reprit Florence, « parce que tu es sa femme et que ta place est chez lui. Je ne le blâme pas de te garder. Mais s'il ne t'aime plus, ce n'est pas sa faute. Je ne le blâme pas non plus de ne plus t'aimer. »« Et je sais bien que je suis seul à blâmer, » fit Rose avec humeur. « N'en parlons pas. Il y a une quantité de choses dont nous ne parlerons pas, Florence, n'est-ce pas ?»« Comme il te plaira, » répondit la vieille femme d'un air contraint. André revint à l'heure du dîner. Son entretien avec Langlois lui avait rendu assez de calme pour qu'il pût supporter la vue de Rose. Il accepta avec satisfaction l'idée de voir Florence vivre dans la maison. La vieille femme ne lui avait jamais fait de mal, et il n'avait aucune raison de lui en vouloir. Mais ses sentiments eussent été différents, que, dans la joie retrouvée de voir Marguerite, il eût tout accepté, sans opposition. Marguerite était bien malade. Sa vie frêle se balançait soutenue par un fil si léger qu'un mouvement trop vif pouvait le rompre. Mais elle vivait, il pouvait la voir, et il croyait s'apercevoir qu'elle revenait peu à peu à l'existence. Entre sa crainte horrible et sa joie profonde, il appartenait à peine à la terre. Il voyait Rose et lui parlait avec douceur. Savait-il seulement que c'est à elle qu'il parlait? Peut-être ne la distinguait-il même pas très nettement de la vieille Florence. André avait dans cet appartement une vie matérielle, ennuyeuse et contrainte, à laquelle il se soumettait machinalement, et au dehors, une autre existence, celle-là, faite d'inquiétude et de joie, d'angoisse et de passion. C'est cette vie qui était la vraie, l'autre était un rêve pénible.